On a marché sans se connaître, de cœur un peu perdu. T'avais ce rire qui me faisait naître, moi j'avais mes habitudes. On s'est cherché, on s'est trouvé, dans des mots maladroits. On s'est appris à respirer, comme si on savait déjà. Et je me dis peut-être qu'on a tout écrit avant de se l'avouer. Comme si c'était nous, depuis toujours, depuis le début. Comme si le monde autour s'effaçait quand tu me tenais plus. Comme si chaque seconde avait un goût de plus jamais seul. Comme si c'était nous. Pour de vrai, pour de beau. On a compté les kilomètres, les nuits trop longues, les retours. On a serré très fort nos lettres pour que ça tienne, pour que ça dure. Et même quand tout semblait fragile, on croyait quand même à demain. Parce qu'au fond c'était facile d'imaginer loin ta main. Et je me dis peut-être qu'on a tout écrit avant de se l'avouer. Comme si c'était nous depuis toujours, depuis le début. Comme si le monde autour s'effaçait quand tu me tenais plus. Comme si chaque seconde avait un goût de plus jamais seul. Comme si c'était nous. Pour de vrai, pour de beau. Et si un jour on tombe, promets-moi qu'on se relève. C'est ce qui nourrit les grandes histoires, la force d'aimer sans trêve. Comme si c'était nous, depuis toujours, depuis le début. Comme si le monde autour s'effaçait quand tu me tenais plus. Comme si chaque seconde avait un goût de plus jamais.